l'ours et la carotte. Une émission d'environnement proposée par Nicolas Saint-Martin et Claire Cayrouga. Cyril de Koning, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes membre actif du groupement Karma, qui est un groupement qui s'est constitué pour la défense du triangle de Gonesse par rapport à un énorme projet, de ces projets qu'on peut appeler les projets inutiles et imposés, juste à la périphérie de Paris. Vous pouvez nous parler de ce projet d'Europa City ? Alors le projet d'Europa City est un projet tentaculaire de par ses implications et pour être très direct, le groupe Auchan et le groupe Wanda, qui est le Disney chinois, se sont unis en proposant sur un territoire qui est donc le triangle de Gonesse, ont proposé de faire ce qu'ils appellent eux un modèle de supermarché ou d'hypermarché innovant. Parce que ludico-commercial, qui vise à concurrencer Disney, c'est pour ça Wanda étant le Disney chinois, cherche à s'implanter sur Paris, et par lequel ils vont aller occuper le dernier espace agricole à très forte proximité de Paris. Ce fameux triangle de Gonesse, c'est la terre sur laquelle on faisait jadis le blé, on appelait ça, il me semble, le blé du roi. Indiquant bien, on est sur un terrain d'une fertilité absolue. On parle jusqu'à 6 mètres, voire plus, de terre arable. Donc une profondeur qui est exceptionnelle et d'une terre limoneuse, donc qui est extrêmement fertile. Demandez aux agriculteurs qui cultivent là-bas, ils disent, il n'y a pas de souci, nous on n'a pas besoin d'arroser, ça fonctionne tout seul. Donc on est sur des terres qui restent à proximité de zones de consommation, qui restent des terres extrêmement, extrêmement fertiles. C'est plus qu'un trésor, c'est vraiment quelque chose à préserver. Et je pense aussi que derrière ce mouvement agricole, périphérique de proximité, il y a une nouvelle forme de société à créer. Et c'est peut-être ce qui est profondément derrière le projet Karma, c'est de créer un nouvel aménagement pour un nouveau rapport social et sociétal. C'est en réponse à un appel à projet pour inventer la nouvelle métropole du Grand Paris que différentes structures se sont associées pour dire un autre projet qu'Europa City est possible, et notamment sur le triangle de Gonesse. Et pour revenir sur Europa City, juste une brève description de quoi il s'agit. On a entendu parler d'une piste de ski 365 jours sur 365, comme on peut retrouver en Arabie Saoudite. Il faut imaginer un immense centre de loisirs où on peut aussi consommer et aller faire ses courses. C'est ça l'avenir qu'il voit pour nous pour, On est sur un projet qui se construit sur le mirage des emplois. Initialement, Europa City en revendiquait 11 000 sur 3 ans. Or, ce fameux calcul sur 3 ans est un calcul assez obscur. On croit comprendre que c'est en effet 11 000 divisé par 3, et donc à peu près 3 500 emplois. Et en fait, à chaque fois qu'on voulait avoir des précisions, le nombre d'emplois baissait. Et ce nombre d'emplois qui sont censés créer, qui est un peu leur marotte pour construire Europa City, ce sont des emplois qui vont aller phagocyter les autres emplois autour. Parce que le problème, il y a déjà sur la zone Paris Nord 1, Paris Nord 2, Héroville, vous avez quatre types de gros centres commerciaux sur la zone. Et on est toujours sur ce modèle-là, deux mondes concurrentiels où le gros s'impose au petit, il y a un peu le clash des titans. Et on est parmi les champions aussi en France sur ça, en termes de nombre de grands centres commerciaux installés sur le territoire. On en est aujourd'hui à plus de 807 centres commerciaux, 17 millions de mètres carrés qui sont détruits, enfin qui sont mobilisés, qui ne sont plus sur des terres agricoles la plupart du temps, vu que c'est en périphérie. Ce qui représente plus de deux fois la superficie de la Corse. Et là, sur le projet Europa City, en même temps qu'il y a ce projet énorme autour de Paris, on a déjà 78 autres projets de centres commerciaux. Et tout ça pour détruire encore 1,3 million de mètres carrés. On a déjà 17 millions de mètres carrés occupés par des centres commerciaux. C'est complètement alarmant. Et globalement, les gros... les Leclerc, les Auchan, les Carrefour, ils installent un peu ce modèle-là qui est censé avoir si bien fonctionné en France. Ils souhaitent en effet l'installer dans le monde entier. Et donc on est vraiment sur un modèle de société. Et c'est quoi ce modèle de société? C'est un modèle dans lequel ces immenses hypermarchés peuvent aller acheter partout. Et quand ils achètent, ils écrasent les prix et ils revendent à des prix avec une marge qui est relativement confortable, mais sur le facteur prix, tuant tout petit commerce autour. Donc c'est populaire et populiste, mais c'est une façon, en effet, si on ne regarde pas ce qu'il y a derrière, d'affamer l'économie réelle. D'autant que sur le projet Europa City, vous achetez une terre, alors je n'ai pas les prix exacts, mais on est autour de 5-6 euros le mètre carré. Europa City revendiquait que la terre, de toute façon, n'était pas propre à l'agriculture parce qu'elle était beaucoup trop polluée. Et depuis Karma, depuis les analyses qu'on a faites, depuis le mouvement qu'on a pu lancer, Europa City fait du greenwashing agricole. Ils vont installer, en effet, un terrain de 7 hectares, me semble-t-il. Alors, ça change tous les jours, donc mais d'un certain nombre d'hectares pour faire de l'agriculture, pour aller nourrir les cantines, tel que c'est inscrit dans notre projet. Alors, ils ont récupéré certains de vos arguments. C'est d'un opportunisme, parce que le sentiment que ce modèle qui est fondamentalement tourné autour du commerce. En effet, j'en oublie même ce qu'il y a dedans, parce que ça change tellement, mais il y a ces histoires de pistes de ski, il y a un méga cinéma, censé avoir des salles de concert, mais le fondamental là-dedans, c'est que ça tourne parce que c'est du commerce qui va tuer les autres commerces. On est sur un modèle commercial, et je pense très sincèrement que les personnes qui travaillent dans le groupe Auchan, il y en a quelques-uns qui semblent avoir conscience que c'est pas tenable parce que justement on est en train de détruire des terres agricoles à la fois écologiquement et pour l'enjeu alimentaire qui sont plus qu'essentiels, mais beaucoup d'autres, de ce que je comprends dans le groupe Auchan, trouvent que ils n'ont jamais fait un modèle aussi beau. Donc ils y croient, et c'est ça qui est le plus terrible. Alors du coup, par rapport à ces grandes enseignes là, c'est Auchan Immobilier, c'est un investissement donc lié à ce groupe. Ce qu'on voit aussi assez souvent, et il y a plusieurs cas en France maintenant, le maire de Caen récemment qui ne voulait pas l'extension d'un Ikea déjà existant, parce que il faut imaginer que quand une enseigne comme ça s'installe sur un territoire, il y a aussi la possibilité pour le maire de dire non ou d'influencer justement l'aménagement de son territoire et d'orienter cet aménagement. Mais c'est une décision pas forcément évidente à prendre. Donc le maire d'Oléron, il a suffisamment de problèmes avec ça. Oui, alors les emblématiques sont des maires, quoi, la mairie de Montsartou, Oléron. C'est un courage, je pense, payable sur le long terme. Et c'est pour ça, le politique, on fonctionne malheureusement trop sur du court terme. Et donc on a des enjeux sur lesquels il faut convertir les esprits. On est sur encore un temps où on a eu une croissance économique, un espèce de mirador, où on s'est complètement déconnecté de la terre. Une espèce de formatage des esprits autour de l'obligation de croissance, autour du produire plus, autour de ce mirador de la compétition et de la concurrence. Et il y a tout à reformer, il y a tout à recréer. Il y a un idéal, une histoire, dirait Mathieu Calam, une histoire nouvelle à créer. Et alors, on a eu un petit peu d'espoir récemment, notamment sur ces questions-là. Il y a eu quand même une annonce faite par Nicolas Hulot d'un moratoire sur les centres commerciaux. Et malheureusement, ça a été bloqué par Bercy, par notre ministère de l'économie, comme c'est étrange. Et bien sûr, qu'est-ce qui a été dit? C'est la liberté de commerce avant tout. On sent bien qu'il y a une forme de lutte au sein des ministères, et malheureusement, la lutte, elle est rarement en faveur de l'enjeu de Nicolas Hulot, ou des enjeux portés par Nicolas Hulot. Et parce que c'est profondément... J'ai du mal à comprendre que ces politiques-là ou peut-être c'est profondément cynique, mais comprennent pas le caractère systémique de du modèle commercial qu'ils essayent de continuer à promouvoir. Alors justement, le projet du groupement Karma, c'est un groupement donc, qui s'est constitué en réaction à ce projet d'Europa City, de méga centre commercial à proximité de Paris. Vous vous êtes regroupés, différentes structures, associations, et notamment donc, la Confédération des commerçants de France, très concernée par le fait que ça touche aussi la dévitalisation des centres-villes. Mais pas que. Vous pouvez présenter les différents membres du groupement ? Alors, le groupement Karma est une émanation de initié par un collectif, on va dire, plus rebelle, qui est le collectif pour le Triangle de Gonesse. Le collectif pour le Triangle de Gonesse, dont Bernard Loup est le président, est un collectif qui lutte pour la préservation de ce triangle. Et souvent, le reproche qu'on leur faisait, c'est de dire « Ok, vous dites non, vous dites non, vous dites non, mais qu'est-ce que vous proposez ?» Lorsque la métropole du Grand Paris a eu la bonne idée de lancer un appel à projet sur le Triangle de Gonesse, cet appel à projet était vraiment en lien avec le projet Europa City. La transformation de la ZAC portée par la métropole du Grand Paris est une transformation qui permet l'installation sur cette zone-là, qui est une zone agricole préservée de l'hypermarché, en tout cas de construction. D'accord, donc c'est un appel à projet qui est biaisé déjà dès le départ. Cet appel à projet de la métropole du Grand Paris était un appel à projet lancé fin 2016 pour construire un hôtel d'entreprise sur 15 hectares. Et le travers, ou en tout cas Donc finalement, c'était aussi une façon sur 15 hectares de commencer à bétonner En fait, c'est une co-bétonisation. Hein. Là, on avait Europa City, le ludique d'un côté, et on se dit, oh, dans un modèle d'aménagement, soyons cohérents avec ce qui se fait tout le temps. Là où on a en plus un métro, c'est une autre histoire, mais qui va s'installer, forcément, on va avoir un développement économique. Et qu'est-ce qu'un développement économique ? C'est le fait d'installer des bureaux avec des avions qui vous passent au-dessus de la tête, avec dans un lieu qui n'a jamais été imaginé pour ça, parce que la grâce, ou peut-être la tragédie de cet espace agricole, c'est que elle est entourée par l'aéroport du Bourget et l'aéroport de Roissy. Et c'est pour ça que cette zone-là avait été préservée espace agricole, interdiction d'y construire. Rappelez-vous le Concorde qui s'est écrasé, c'était juste à côté, vraiment juste à côté du triangle de Gonesse. Donc Karma fut lancé, on va dire à partir de novembre 2016, et s'appelait pas à l'époque Karma. Donc c'était la réponse à l'appel à projet, et pour répondre à cet appel à projet, Robert Spisicino, qui est un ancien de la Caisse de dépôt et des consignations, avec Bernard Loup, le président du CPTG, ont commencé à lancer des appels. Et très très vite, énormément de personnes extrêmement différentes, donc partant de la Confédération des commerçants de France, donc qui sont extrêmement inquiets de la dévitalisation des centres-villes, et notamment des centres-villes qui ont déjà eu énormément de coups de semonce sur le triangle de Gonesse, de par ces hypermarchés qui s'y sont installés, donc qui ont très très vite rejoint le groupement, mais aussi des structures travaillant sur l'aspect agricole, Terre de Lien, le champ des possibles, donc qui forme à l'agriculture, notamment biologique, des groupements connus qui font le commerce de produits biologiques comme Biocoop, et un ensemble d'architectes également très engagés sur l'aménagement du territoire, notamment le cabinet Fer, qui s'est beaucoup engagé, les architectes autonomes agréés qui ont justement impulsé l'idée du nom Karma. Donc tout un ensemble de personnes, le réseau, la fédération des AMAP. Donc à répondre à cet appel à projet qui s'appelait « Inventons la métropole du Grand Paris » avec l'idée d'inverser le modèle de développement territorial avec l'idée que la ruralité doit être reconnue comme source d'inspiration et que ce n'est plus à l'urbain de piloter le rural. Exactement. Donc là, on est vraiment dans un changement radical. Si vous regardez les plaquettes et même les livres d'aménagement le Grand Paris, réalisés par la Société métropolitaine du Grand Paris, on est sur un lieu qui est encore plus bétonné, alors qu'on estime que la résilience agricole en France, et notamment sur Paris, elle a besoin de retisser du lien. On a besoin de retisser une agriculture de périphérie qui vienne nourrir la ville et qui ne soit pas une agriculture d'export telle que ça se fait très grandement actuellement. Vous avez donc participé à la rédaction de cet appel à projet, donc du projet Karma sur le triangle de Gonesse, en alternative au projet de bétonisation d'Europa City. Alors en quoi consiste ce projet que vous avez présenté ? Or initialement, le nom qu'on lui avait donné, c'était les paysans du Parisi. Alors c'était un peu provocant de nommer ça paysans du Parisi, mais c'est en effet ancré cette ambition du local. Mais étant donné que l'objectif de Karma est un objectif à la fois local, mais un objectif d'aménagement qui se veut beaucoup plus large pour l'Île-de-France en général, et voire pour la métropole. Le nom Karma signifiant coopération pour une ambition rurale métropolitaine d'avenir. Et tous les mots sont importants. On estime et on pense, et je pense que c'est une vraie réalité pour demain, la ruralité est beaucoup plus résiliente. C'est-à-dire peut mieux s'adapter au changement, notamment le changement climatique. Et même le changement d'arasement dans lequel on se trouve. Alors, vous avez quitté vous-même Paris parce que c'est harassant. Et qu'on a besoin, on vient dans des parcs pour avoir des moments de quiétude. Alors l'agriculture, c'est pas tout le temps de la quiétude, mais justement, on a besoin de réhabiliter une possibilité de remettre la ruralité dans l'urbain. C'est une vraie révolution de la pensée. Et contrairement à l'hyper-urbanisation que souhaite promouvoir EuropaCity, l'objectif presque pour se figurer en mode diamétralement opposé, c'est de faire sur le triangle zéro construction. Donc des terres qui sont toujours agricoles aujourd'hui et qui seront conservées, mais avec une mutation, donc vous le dites, un urbanisme régénératif pour conserver les terres agricoles et en assurer leur mutation urbaine. Alors comment on peut garder des terres agricoles et les faire muter d'une façon urbaine ? Alors c'est assurer la mutation des espaces urbains autour. Et surtout d'abord relier la périphérie. Et là, le travail à la fois d'accompagnement, de pédagogie sur le terrain est énorme. Le triangle est entouré de tout un tas de communes qui ont subi ce mal-développement. Aulnay, Gonesse, un peu plus loin Sarcelles. Derrière l'ensemble des crises des banlieues, vous avez des noms-là qui sont ces noms sonnants, trébuchants. Et on se dit, c'est pas en redonnant, en réalimentant cette frustration commerciale qui est alimentée par le modèle d'hypermarché qui va aller résoudre le problème. Il y a tout un enjeu beaucoup plus profond. On est quand même assez conscient que faire du 100% agricole ou du uniquement agricole, c'est ni souhaitable ni tenable. Socialement, ça ne pourra pas répondre. Et donc, il y a besoin sur ce terrain d'inventer tout un tas de process, tout un tas d'enjeux, tout un tas de, disons le mot, développement, mais qui soient vraiment liés à la transition écologique. On se dit, on a besoin de redéployer un nouveau format agricole, plutôt inspiré de l'agroforesterie et totalement inspiré de tout ce qui peut être connexion locale. Alors, il y aurait à parler en effet des objectifs d'aménagement sur ces 670 hectares, mais sur le projet Karma, on se dit en effet, il y aura un ensemble de maraîchers, il y aura de la grande culture, il y aura une zone éducative, de formation au modèle biologique agricole et surtout des modèles de coopération qui permettront d'avoir une production qui permette de fournir les cantines, la restauration collective, d'abord scolaire, de produire du bio et du local. On se dit qu'il y a un vrai potentiel. On atteindrait les 77 000 étudiants en adjoignant les collèges, les lycées. Le problème, alors ça a été vu dans des séances avec l'INRA, le problème de relier l'agriculture locale avec la restauration collective, notamment dans les cantines, est souvent un problème de transformation locale des aliments. Donc il y aurait à faire pour les cantines, et on pourrait en effet avoir une légumerie et un centre de transformation pour les cantines, mais également pour les restaurants communaux, pour les hôpitaux, pour les maisons de retraite. Et là, il y a tout un pan de reliance et de recherche à mener pour, en effet, capter la matière brute agricole locale, la transformer de manière qualitative et l'emmener. Donc du coup, lors de la transformation, nous souhaitons, avec un partenaire du groupement qui s'appelle Love Your Waste, récupérer ces déchets alimentaires pour les drainer dans une unité de méthanisation qui permettrait de produire à la fois du biogaz qu'on pourrait réintroduire localement là où ça serait intéressant à valoriser et du digesta pour pouvoir le réintroduire de manière qualitative dans les champs et sortir sur un enjeu de valorisation des terres qui est profondément ancré. Vous aurez quand la réponse pour savoir si ce projet utopique en agroécologie pourra se réaliser ? Alors, ça date déjà. Hein. Le projet a été bloqué par le maire de Gonesse, qui est le principal supporter d'Europa City. Parce qu'il doit recevoir une sacrée somme. Hein. C'est vrai que le modèle de financement des mairies pousse quelque part à promouvoir ces projets absurdes. Il y a quelque chose de nodal dans la manière dont on développe nos villes et les périphéries de nos villes. Il faudrait essayer d'inventer un processus par lequel, si on préserve les espaces, plutôt que si l'on détruit pour l'avenir ces territoires, ce qui est totalement absurde. Donc du coup, le fait qu'il y ait eu un veto de la part du maire de Gonesse, ce projet n'a pas été retenu. Donc sur les trois projets, c'était que des mastodons qui portaient les projets avec des noms. Il y avait Eiffage, je crois qu'il y avait le groupe Bouygues, et il y avait un groupe flamand qui a finalement remporté le projet. Alors, je ne veux pas être trop mauvaise langue, mais on a constaté en effet que dans ce groupe flamand, qui porte le projet Triango, sur 15 000 m², ils promettent 15 000 emplois. C'est un emploi au mètre carré. Je ne sais pas où ils vont les mettre, mais c'est... Qui est derrière ce projet ? On a vu qu'il y a un Muliez, donc qui est la famille d'Auchan, qui est dans le projet Triango. C'est ça qui est un peu triste dans le modèle politique. L'argument financier est presque le seul qui est retenu. Bon, alors on va finir sur une note positive quand même, Cyril de Koning. Est-ce que vous avez quand même bon espoir que Europa City ne passe pas ? En tout cas, vous avez influencé via votre projet Karma alternatif, vous avez influencé les politiques publiques en donnant des bonnes idées pour développer l'agroforesterie et les circuits courts. Alors on sent, on est à une tangente. Le politique est-il mouton ? Il y a... Sur le département du 95, parce que le triangle de Gonesse est un espace qui est sur le département du Val-d'Oise, mais qui touche aussi et influence fortement le département de la Seine-Saint-Denis. Et sur le département de la Seine-Saint-Denis, les collectivités ont tous voté contre le projet Europa City. Sur le 95, ils ont tous voté pour, comme un seul homme, droit dans leurs bottes, pour le projet Europa City. Et on a besoin, Nicolas Hulot, quand il fut interrogé par Jade Lingard de Mediapart, a dit que le projet Europa City était incompatible avec ses prérogatives, en tout cas ses objectifs de développement écologique. Cependant, Europa City n'est pas dans son portefeuille. Et donc, du coup, il faudra en effet qu'il y ait des politiques. Et donc, on travaille là-dessus, des politiques territoriaux, notamment la ville de Paris et d'autres communes, idéalement du 95, qui aient le courage politique pour dire « Non, on ne veut pas de ça, on est sur un moment politique. Rien n'est fait. Europa City n'est pas fait et Karma n'est toujours pas fait. » On commence à avoir tout un ensemble de liens, notamment avec des écoles agro-paritech, voire avec certains mouvements dans la ville de Paris, pour pouvoir renforcer la connaissance du terrain, renforcer la connaissance pour le montage du projet. Il y a aussi à collaborer avec les agriculteurs qui restent encore sur le terrain. Donc tout ça, c'est ce qu'il y a à mettre en place. Et si on arrive... En effet, à avoir les soutiens nécessaires, et notamment le nerf de la guerre, c'est le soutien de la région Île-de-France. Si la région Île-de-France prend le courage politique pour mettre derrière ses paroles, parce que Valérie Pécresse a bien dit que c'était important de préserver les terres agricoles et de bien nourrir nos enfants avec ce qu'on avait comme potentiel local, ben mettons-le en cohérence. Là, on a une terre vitale et de grande valeur, vitale notamment, et peut-être ce point-là et le point de l'espoir est vraiment dans c'est un projet populaire et il faut qu'il soit populaire dans le sens où il y a du monde qui vienne le soutenir et c'est un projet pour les habitants. C'était l'ours et la carotte. Écoutable sur Internet.